Conclusion. Dans ces modestes pages, tu as lu les péripéties de la trajectoire d'une recette, un peu comme un météore, une recette maison, simple, économique, qui guérit aussi le cancer. Nous avons mis en évidence que l'on doit accorder notre préférence à l'aloe recueilli chez soi, parce que les produits industrialisés, soumis à des processus de stabilisation, peuvent présenter des propriétés curatives réduites. Utilise l'aloe de chez toi, celui ornemental, qui est sur le rebord de la fenêtre, le même que celui qu'on utilise, comme tonifiant pour les cheveux, ou pour tamponner les petites coupures, ou les brûlures dues à des accidents domestiques. Utilise-le quand tu en as besoin. Les produits industriels, non seulement sont coûteux mais perdent souvent leur vertu à cause de l'avidité des fabricants. Suis les indications données dans ce livre. Les connaissances acquises sont plus que suffisantes pour t'aider dans des circonstances particulières. La prise de la préparation ne présente aucune contre-indication. L'utilisation de l'aloès est discréditée par le manque de réaction in vitro en laboratoire. Nous avons des expériences de réaction in vitro au Brésil et à l'étranger. En elles-mêmes, ce sont des expériences sans importance, effectuées seulement pour satisfaire une curiosité scientifique. L'histoire de la médecine compte différents cas de substances, dont la réaction n'a pas été enregistrée in vitro, mais elles ont été commercialisées, grâce à leur réaction en nature. Par conséquent, la médecine n'accepte pas uniquement ce qui est testé en laboratoire. La médecine finit par adopter toutes les expériences et les faits qui, souvent, s'étant vérifiés accidentellement ou par hasard, commencent à faire partie du patrimoine de l'humanité. On pourrait être effrayé, par exemple, par le fait que ma préparation dans certains cas provoque la diarrhée. Et enfin elle la provoque. Elle doit la provoquer. Cela fait partie des prévisions. Le phénomène s'explique ainsi, les toxines qui s'étaient déposées dans l'organisme trouvent finalement une voie normale pour s'échapper. Une autre voie est l'urine. La troisième est l'excrétion à travers les pores. La quatrième, le vomissement. C'est tout à fait naturel. C'est la sagesse de l'organisme qui cherche à se purifier. Quand ce symptôme apparaît, les soi-disant connaisseurs donnent l'alarme, diarrhée signifie perte de potassium. Mais alors que devrions-nous dire en ce qui concerne la radiothérapie, la chimiothérapie, les antibiotiques et les analgésiques avec leur macabre procession d'effets collatéraux négatifs? En ce qui concerne la possibilité de diarrhée, qui dure 2 ou 3 jours, rarement plus, il suffit de parer à l'éventuelle perte de potassium en mangeant une banane par jour, fruit riche de ce métal alcalin nécessaire à l'organisme. En ce qui concerne l'alarme, attention, elle peut être fausse. Aime-toi, prends soin de ta santé. Évite de fumer, évite l'alcool, la drogue. L'alcool et le tabac nuisent à l'organisme en proportion arithmétique, la drogue, en proportion géométrique. Regarde le monde, il est beau et il t'appartient aussi. Rappelle-toi cependant que les autres aussi y habitent, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Cherchons à vivre bien la vie, en ce moment. Faisons devenir plus beau et plus juste le monde, avec la possibilité de vie pour tous. Nous vivons dans un pays qui est un continent, on y trouve 75% des exemplaires de la flore de la planète. Efforçons-nous de l'explorer, et de l'étudier avec amour. Mettons ces richesses à disposition de l'humanité. Notre étendue territoriale pourrait accueillir tranquillement l'actuelle population de la Chine, avec le vivre et le couvert pour tous, si on pouvait se passer de l'intervention des intermédiaires. Il faut chercher à convivre pacifiquement, dans le mutuel respect, ne serait-ce que pour le fait que nous sommes des êtres humains. En vérité, l'homme doit apprendre à s'aimer. Comment peut-il aimer son prochain, comme lui-même s'il chemine vers l'autodestruction à cause de la drogue, du tabac, de l'alcool, des pesticides, de la pollution, des explosions atomiques? Seulement après avoir appris à l'école, le véritable amour pour lui-même l'homme, saura aussi aimer son semblable. Alors oui, nous serons proches de la perfection. Si tu as obtenu quelques bénéfices de l'aloès, n'hésite pas, écris les résultats obtenus, et expédie-les à la maison d'édition, celle-ci les communiquera au père Romano, ou à un de ses collaborateurs. Ton cas pourra être une aide précieuse pour résoudre les problèmes de tes semblables. La maladie est un signe certain, que l'organisme n'est pas dans son état optimal. Tu peux le soigner avec l'allopathie, l'homéopathie, l'isopathie, etc. Le traitement avec l'aloès fait partie de la phytothérapie, méthode connue désormais depuis des milliers d'années, dans le monde entier. Dans la nature, il y a sûrement la cure appropriée pour n'importe quel type de maladie. Il suffit de la chercher.